Voici l'histoire de mon destin. Ma vie, ma mort, tout le monde se meurt. Au tout début, je suis rentré par ce petit orifice qui sentait la fleur de lys. C'était un sacré orifice. Avec mes potes, on pénétrait dans la partie qui disait ré. Et puis j'étais expulsé. Je suis une petite crotte sur le point de tomber. Ennemi, ne me laisse pas tomber, donne-moi une bouée, car je sais pas nader. Ennemi, m'aider, je suis une petite crotte sur le point de tomber. Ennemi, ne me laisse pas tomber, donne-moi une bouée, car je sais pas nader. Donne-moi une bouée, car je ne sais pas nader.